Tandis qu'Hamlet dort au jeu de sa mère, qui veut s'entretenir avec lui, le roi ordonne à deux courtisans de se préparer à amener Hamlet en exil en Angleterre. Le roi reste seul en scène. Oh, ma faute fermente, elle infecte le ciel même. Elle porte avec elle la première, la plus ancienne malédiction, celle du fratricide. Je ne puis pas prier, bien que le désir m'y pousse aussi vivement que la volonté. Mon crime est plus fort que ma forte intention. Comme un homme obligé à deux devoirs, je m'arrête, ne sachant par lequel commencer. Et je les néglige tous deux. Quoi ? Quand sur cette main maudite, le sang fraternel ferait une couche plus épaisse qu'elle-même ? Est-ce qu'il n'y a pas assez de pluie dans les cieux cléments pour la rendre blanche comme neige ? À quoi sert la pitié, si ce n'est affronter le visage du crime ? Et qu'y a-t-il dans la prière, si ce n'est cette double vertu de nous retenir avant la chute ou de nous faire pardonner après ? Levons donc les yeux. Ma faute est passée. Oh ! Mais quelle forme de prière peut convenir à ma situation ? Pardonnez-moi mon meurtre hideux. Cela est impossible, puisque je suis encore en possession des objets pour lesquels j'ai commis le meurtre. Ma couronne, ma puissance, ma femme. Peut-on être pardonné sans réparer l'offense ? Dans les voies corrompues de ce monde, la main dorée du crime peut faire dévier la justice. Et l'on a vu souvent le gain criminel lui-même servir à acheter la loi. Mais il n'en est pas ainsi là-haut. Là, pas de chicane. Là, l'action se poursuit dans toute sa sincérité. Et nous sommes obligés nous-mêmes, dû sur nos fautes démasquées, montrer les dents, de faire notre déposition. Quoi donc ? Qu'ai-je encore à faire ? Essayez ce que peut le repentir. Que ne peut-il pas ? Mais aussi, que peut-il pour celui qui ne peut pas se repentir ? Ô situation misérable ! Ô conscience, noire comme la mort ! Ô pauvre âme engluée, qui en te débattant pour être libre, t'engage de plus en plus ! Au secours, ange, faites un effort ! Pliez, genoux inflexibles ! Et toi, cœur, que tes fibres d'acier soient tendres, comme les nerfs d'un enfant nouveau-né, puisse tout bien finir. Il se met à genoux à l'écart.